Ouvre ma gueule. J'étais pas gagné pour Pendejo. À la base il a la kill, maintenant je me fais tous ces guignols. C'est des gangs qui font de la trappe, la rue la vraie tu connais quoi. Et d'ailleurs tu connais qui, parce que perso je te connais pas. Moi chaque acheteur d'un album, et si ça tient quoi c'est banal. Ma peur t'a banalisé, deux binous, un binôme, un deux roues pour pas traiter. Arrête ta fille, t'as faudé, ça va te souffler dans ta maman. Donc reste mignon, fais pas de manière, tu manies tout, tu manies rien. Tu manies tout, tu manies rien, j'étais pas gagné pour Pendejo. 0K c'était la kill, maintenant à 4 je veux mon César. Ma ville là sur la côte, ma gare avec la côte de poste. C'est quoi gagné, pas l'imposteur, guette la posture, j'ai pris dans la. Moi qui étais posté sur du riz, la squale, l'amour du riz. Chaque qui vit chaque façon risquée dans la vraie street et la raquée. Au bras gauche, montais tout seul pendant que t'écoutais des mythos. La squale, gros, c'est parti pour toi, il est l'heure de partir. Tu manies tout, tu manies rien, c'était pas gagné pour Pendejo. 0K, c'était la guine, maintenant à 4, je veux mon César. Ma ville là sur la côte, ma gare avec la côte de poids. C'est point gagné, pas l'imposteur, guette la posture, j'ai pris dans la. Moi qui étais posté sur du riz, la squale, l'amour du riz. Chaque qui vit chaque façon risquée dans la vraie street et la raquée. Au bras gauche, montais tout seul pendant que t'écoutais des mythos. La squale, gros, c'est parti pour toi, il est l'heure de partir. Ce petit bandit qui est chaouf, j'ai un arme à rythme et une bille. Il a déjà tiré des balles, je parle pas d'un ballon de foot. Sur le terrain il fait pas de foot, c'est des cartons rouges direct. T'es sur le téco, tu comptes tes mains, coûte sur personne pour de la maille. Pour Bendejo et avec maman, et Luna l'a pas lâché. Tout le reste gros c'est des lâches, ce sont sans lynchage. Aujourd'hui ils me l'allègent tous, ils se tassent tous pour faire la queue. Moi qu'avais quasiment rien, j'ai failli gâcher ma vie. Et vis-moi le chapitre de coup du chapeau pour Bendejo. 3 chapitres pour 3-0, la squad les azera. Coup de plaf à la Zizou et toute ton équipe Zozo. Moi mes gars sur son ton zonzon, c'est des zinzins, c'est pour Zozo. Au chance à Razin, guette le maillot. Dans le rap, c'est moi le milieu. Mani, moi, il fait le million. Il est pas là pour des milliers. La rue, la vraie, elle m'a gonflé. Toi, dans ma rue, ça t'a giflé. Donc fais gaffe à ce que tu dis, parce que perso, moi, j'ai des doutes. Beaucoup sont fous et c'est un fait. Toute l'année, rien qu'il te dupe. Moi, ma dope les a frappés. C'est du frais, zéro mytho. À toi pour les matons. Matelay, ton y'a plus moi. C'était pas gagné pour ce petit gars. Mais ce bon Zagazelra. Remballe tes gosses qui jouent de la flûte. Pour qu'à fête son anif tout seul. Si seulement tu savais, la liberté, c'est savoureux. Ça vaut la squale et grimper tout. Dis-toi que c'était pas gagné et que le marron, c'était mon gagne-pain. Aujourd'hui, je me fais le. Tu manies tout, tu manies rien, c'était pas gagné pour Pendejo. 0K c'était la guine, maintenant à 4 je veux mon César. Ma ville là sur la côte, ma gare avec la côte de poids. C'est point gagné, pas l'imposteur, guette la posture, j'ai pris dans la. Moi qui étais posté sur du riz, la squale, l'amour du riz. Chaque qui vit chaque façon risquée dans la vraie street et la raquée. Au bras gauche, montais tout seul pendant que t'écoutais des mythos. La squale, gros, c'est parti pour toi, il est l'heure de partir. Tu manies tout, tu manies rien, c'était pas gagné pour Pendejo. 0K c'était la guine, maintenant à 4 je veux mon César. Ma ville là sur la côte, ma gare avec la côte de poids. C'est point gagné, pas l'imposteur, guette la posture, j'ai pris dans la. Moi qui étais posté sur du riz, la squale, l'amour du riz. Chaque qui vit chaque façon risquée dans la vraie street et la raquée. Au bras gauche, montais tout seul pendant que t'écoutais des mythos. La squale, gros, c'est parti pour toi, il est l'heure de partir. Tu manies tout, tu manies rien, c'était pas gagné pour Pendejo. 0K c'était la guine, maintenant à 4 je veux mon César. Ma ville là sur la côte, moi qu'avec la côte de poste. C'est point gagné, pas l'imposteur, guette la posture, j'ai pris dans la. Moi qui étais posté sur du riz, la squale, l'amour du riz. Chaque qui vit chaque façon risquée dans la vraie street et la raquée. Au bras gauche, montais tout seul pendant que t'écoutais des mythos. La squale, gros, c'est parti pour toi, il est l'heure de partir. La squale, ma gueule.